Ça s'appelle Hell Hole. C'était le solo du concert, en fait, là. Oh, du calme, on n'est pas à la soupe aux choux ici. Tapez des mains. Call me the reed on all the people, no pain on the way. Merci. Merci. C'est très bien que ça s'instaure entre nous, ça. On aime les gens polis, nous. Ça va et toi? C'est cool. Hang Me. Oui. C'est ce qui résulte du voyage où il n'y avait rien.